Et la troisième forme de crainte, c'était une crainte naturelle, c'est-à-dire d'avoir peur d'un animal sauvage, d'avoir peur d'un ennemi, quelqu'un qui a un couteau qui vient la nuit pour t'attaquer ou qui vient pour te voler chez toi, il rentre dans ta maison, il vient te protéger. Ça, c'est une peur qui est naturelle. C'est pas une peur qui rentre dans une question de choix ou de péché. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est Allah qui a mis ça dans les prisons. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Et même que ça arrive à des prophètes, parfois même, d'avoir perdu quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, tant que ça ne les empêche pas de faire que c'est Allah aime et ordonne, donc ça là, c'est pas mauvais ou c'est pas haram. Et donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine passée. Et puis, là, on était encore dans ce chapitre-là. Mais c'était juste qu'il y avait des choses à compléter. Il y avait un frère qui m'avait parlé, qui m'avait demandé la distinction entre le terme khashia et khawf. Parce que dans la langue arabe, il y a plusieurs termes, il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans le Coran pour décrire la crainte. Et puis, ils ont des subtiles différences les uns avec les autres. Mais en français, il n'y a pas un mot qui les traduit directement pour transmettre cette subtilité-là, ce qu'est la différence. Sauf qu'on peut l'expliquer. C'est que, par exemple, quand on dit Al-Khawf, c'est une crainte, c'est la peur, la crainte de quelque chose, d'accord? Et quand on dit Al-Khashiya, c'est une crainte qui est basée sur une connaissance. Une crainte qui est basée sur un savoir. Par exemple, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Seulement ceux qui ont le savoir, seulement les savants, parmi les serviteurs d'Allah, le craignent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, ils le craignent, c'est-à-dire ils le craignent avec connaissance. Mais quand on parle d'une crainte sans connaissance ou qui n'est pas basée sur une bonne connaissance, on dit une crainte. On dit le mot en arabe, c'est al-khawf. C'est-à-dire, tu peux par exemple avoir peur de ton ennemi sans savoir sa force. Tu comprends? Mais tu as peur quand même de lui. Sauf que celui qui connaît la force de son ennemi, il va le craindre, mais ta crainte est encore plus spécifique. Parce qu'il connaît exactement son niveau de force. Donc c'est ça la différence. Si par exemple, tu arrives face à face avec un gars dans la rue, et puis tu le vois comme ça, tu ne peux pas juger est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il peut se battre, est-ce qu'il est petit, il n'est pas trop grand, il n'est pas très fort, il n'a pas l'air trop costaud, alors tu peux avoir un peu peur de lui, mais tu ne sais pas exactement. Alors que l'autre, si par exemple tu l'as déjà vu se battre avec quelqu'un, tu as vu comment il est dans le combat ou quelque chose comme ça, donc dans ce cas-là, tu vas craindre sa force, mais tu le crains mais pas de la même force, pas de la même façon, parce que tu le crains avec connaissance. C'est ça la différence entre les deux. Tu comprends? Le crainte al-khashiya, avec celui qui est avec connaissance, on dit khashiya, et celui qui est avec, qui est sans avoir la connaissance, c'est al-khawf. Et il y a un autre terme aussi en arabe qui est utilisé, qui est al-rahba. Et al-rahba, ça c'est une crainte qui est accompagnée d'une action. C'est-à-dire, soit par exemple, tu as peur de quelque chose et tu t'enfuis. Donc, eh bien, tu t'éloignes de quelque chose, donc ça s'appelle al-rahba. Et c'est différent de Al-Khashiya et Al-Khawf. Parce que c'est la particularité de ce terme, c'est qu'il est accompagné avec un acte. Donc l'arabe, c'est très précis dans les mots, et puis des fois, on n'a pas de la facilité de traduire ces termes-là en français pour donner une idée complète de la signification, mais c'est pour ça qu'il faut les expliquer. Donc, une question à la... L'aspect, voilà, je ne sais pas plus si c'est pas des confrontations entre les divinités. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je pense que justement, on va en parler juste après. Non, il n'en a pas mentionné. Mais c'est que quelqu'un qui aime quelque chose, au point où cette chose-là le pousse à désobéir à Allah. Donc, pour lui, cet amour pour cette chose, ou cette passion pour cette chose, est plus grande que son amour pour Allah et son, sa foi en Allah, au point où elle le pousse à désobéir à Allah, ou à faire ce que Allah a interdit, ou à négliger ce qu'Allah a ordonné dans le but d'atteindre cette chose. Et c'est ça qu'on dit quand quelqu'un a pris sa passion pour sa divinité. C'est-à-dire, il l'a mis par devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut rentrer même dans le chef. Ça, c'est ça. Celui qui prend quelque chose pour son Dieu, autre qu'Allah, c'est le chef. Ben, parce qu'il y a des chefs, il y a des gens qui font des chefs, mais sans le mentionner. C'est parce que c'est ça la paire. Parce qu'il y a beaucoup de chefs, il y a beaucoup de gens qui font le chef, ils ne veulent jamais admettre que ce qu'ils font, c'est du chef. Exactement. C'est ce que les mouchriquins, au sein du prophète, disaient. On n'est pas des idolâtres. Va voir des chrétiens. Va leur dire qu'est-ce que vous adorez là. Vous adorez Jésus, vous n'êtes pas que de l'idolâtrie, vous êtes des idolâtres, vous êtes des mouchriquins. Ils vont nier qu'est-ce qu'ils disent. Justement, j'ai à la maison, j'ai un catéchisme de 1710 qui était écrit ici au Québec, oui. De 1710. Et là-dedans, ils essaient de justifier l'adoration des idoles et des images et des saints. Et ils disent que non, c'est pas de l'idolâtrie parce qu'on les prend pas pour les créateurs, pour le maître et tout, on les prend seulement comme un intercesseur. Et donc, ils essaient de se détourner du fait qu'ils font du shirk par le fait qu'ils essaient de donner une autre interprétation à l'idolâtrie. Ça, c'est pas comme l'arabe païen avant. Exactement pareil. On appelle Allah, exactement la même chose. C'est comme par exemple, un autre exemple que je peux te donner. Beaucoup de gens font la distinction par exemple entre le christianisme et l'hindouisme. Et puis, en réalité, les deux, c'est la même chose. La seule différence entre les chrétiens et les juifs, la différence qu'il y a, c'est que eux, les chrétiens, ils reconnaissent les prophètes et les livres qui sont venus avant l'islam. C'est ça la distinction. Mais en ce qui concerne leur croyance à la Trinité, puis l'adoration des statues, des croix, des idoles, alors ils sont pareils que les hindous là-dedans. Du fait qu'ils croient que Dieu peut s'incarner dans un être humain. C'est ça? Alors, les hindous, ils croient que la différence, c'est que les chrétiens disent Dieu s'est incarné dans une seule personne, et pas dans plus qu'une. Et les hindous disent non, Dieu peut s'incarner dans une infinité d'êtres humains, et même dans les animaux. Et en fait, la croyance fondamentale même de l'hindouisme, c'est le panthéisme. Et le panthéisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit que Dieu fait partie de toutes choses, que tout est Dieu. Et que Dieu est tout. Comprends? Donc, pour eux, là, tout ce qui est autour de nous, tout ça, on fait partie même de Dieu-même, nous-mêmes, on fait partie de Dieu. Et cette croyance-là, certains sectes soufis, parmi les soufis, l'ont adoptée. Et ils ont essayé de la rendre islamique. Par exemple, ils disent. Oui, mais c'est justement, c'est juste un exemple, mais les savants ont parlé de ce sujet-là en détail. Par exemple, ces soufis-là, par exemple, ils ont adopté cette croyance, ils appellent ça « wahdatul wujud », c'est-à-dire l'unicité de l'existence. C'est-à-dire qu'ils croient que tout est Allah, et Allah est tout. Donc, par exemple, parmi les gens qui prêchaient cette idée, les plus connus sont Ibn Arabi. Et lui, quand tu as pris le livre, exactement. Les savants l'ont déclaré. Exactement. Les savants l'ont déclaré hérétique et l'ont déclaré en dehors de l'islam. Hein? Et celui-là, Ibn Arabi, il est considéré par les soufis comme étant, il l'appelle Cheikh Al-Akbar. C'est-à-dire, ils l'ont nommé le plus grand des chevaux, le chef des chevaux. Et parmi les trois, donc, ils s'appellent Ibn Arabi, le chef de l'Akbar, et même le Khatimul Aulia, le sceau n'est fin. Donc, c'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était Khatimul Anbiya, c'est-à-dire le dernier des messagers, des prophètes, et eux, ils disent Ibn Arabi était Khatimul Aulia, le sceau des saints. C'est-à-dire, comme on dit que le prophète est le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, et ils disent Ibn Arabi est le sceau des saints. Et pour eux, le niveau de sainteté, le wilaya, eh ben, il est plus élevé pour, selon eux, que le niveau de la prophétie des prophètes. Donc ils considèrent en fait Ibn Arabi comme étant quelque chose plus élevé peut-être même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ils ont plusieurs niveaux de raisons pourquoi ils croient ça. Mais ça, c'est, il faut rentrer plus en détail dans leur croyance pour arriver à comprendre ça. Mais juste pour te donner un exemple d'Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il disait par exemple, c'est qu'il croyait que tout est Allah et Allah est tout. Donc, c'est lui qui l'a donné cette croyance-là. En fait, c'est un de ceux-là, parce qu'il y a d'autres aussi qui sont venus avant lui, comme Al-Hallaj. Al-Hallaj était un autre hérétique qui a été exécuté par les musulmans à cette époque-là. Il a été déclaré apostat, il y a des hérétiques, il a été exécuté à cette époque. Il est monté sur la Kaaba, il a ouvert son manteau, il a dit « Je suis la vérité ». Et il n'y a rien dans ce manteau autre que la vérité. Alors les musulmans l'ont attrapé et puis ils ont dit, ils ont allé devant les juges, et lui ont demandé de se repentir de ce qu'il a dit, mais il a persisté à vouloir faire ça. Alors, il assumait que tout c'est Allah et Allah est tout. Et il croyait que Dieu était en lui-même et en toutes choses. Donc, il disait que quand il disait des choses absurdes, par exemple, il disait que Pharaon avait raison quand il a dit Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et il disait des choses comme par exemple. Allah qui a maudit Pharaon. Oui, exactement. Ça, c'est des gens, les shaitans nous ont déviés au point de leur faire voir que la vérité est le mensonge, et la vérité. Ces gens-là, étant donné qu'ils ont cette notion-là du sorcier, de l'unicité de Dieu, c'est de dire que tout est Dieu. Alors pour eux, le shirk, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a quelque chose qui existe en dehors d'Allah. Celui qui voit dans la création plus que Allah, autre que Allah, alors pour eux, ils considèrent comme étant un idolâtre. Et pour eux, donc, le fait de se prosterner à une idole, c'est pas mal, parce qu'ils croient que Dieu est dans cette idole. Tu comprends? Oui, c'est grave. Là, nous, on a une idée pour casser les idoles. Oui, mais c'est ça, mais ils défendent tout. Eux, certains d'entre eux, ils ont la croyance de Al-Jabriya. C'est-à-dire qu'ils croient que Dieu contraint les gens à faire ce qu'ils font. Ils n'ont pas de liberté de choix. Donc, pour eux, je pense que c'est les ennemis comme si je pense qu'il y a un peu. Oui, certains d'entre eux, en un seul Dieu, les suffisants. C'est ça, exactement. Donc, ils divisent la. En tout cas, c'était juste parce que le fond m'avait posé une question. Moi, je viens de dire, en fait, c'est parce que tout à l'heure, les musulmans, ils avaient attrapé. J'ai dit, mais quand quelqu'un fait, exemple, des erreurs, qui doit le faire sortir de l'islam? Qui décide qui sort de l'islam? Oui, c'est ça. C'est qui décide? C'est pas qui décide qui sort de l'islam, c'est seulement les savants et les juges. Récemment, ça ne s'applique plus pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça peut s'appliquer seulement quand il y a un dirigeant islam qui applique la loi islamique dans un pays. Alors, comme par exemple, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, où on peut appliquer au Nigeria dans le nord, la partie où les musulmans dirigent, là, ils veulent appliquer la charia, et dans d'autres pays. Dans ce pays-là, si on attrape quelqu'un qui a accompli ou qui a fait quelque chose qui mérite de le faire sortir au courant, et bien c'est le juge qui doit le juger pour voir est-ce que cette personne-là a réellement fait quelque chose qui le fait sortir de la religion musulmane. Et si c'est le cas, on lui demande de se repentir. on lui donne le temps pour réfléchir, pour penser à ça, on lui donne des preuves, des arguments, et si il persiste à continuer dans son erreur, alors à ce moment-là, le savant va décider de sa peine, c'est-à-dire l'exécution. Mais non, il est considéré comme un apostat. Exactement, mort très bien. Mais oui. Lui qui a forcé sa religion, il a un délai de 3 jours, je pense. Oui, c'est ça. On lui donne un délai jusqu'à ce qu'il se repente. Et s'il refuse de se repenter, alors là, il sera exécuté selon les règles de l'islam. Oui. Mais c'est pas, on n'a pas le droit, par exemple, de le prendre, des musulmans comme toi et moi, ou des gens ordinaires, qu'on l'attrape dans la rue et qu'on décide par nous-mêmes de vouloir le tuer. Ça, c'est haram. Il n'y a pas le droit de faire ça. Les conséquences de ça seront plus négatives que le bien qu'on veut faire. Parce que, qu'est-ce qui va arriver après, comme c'est arrivé dans beaucoup de pays, musulmans, comme en Algérie ou ailleurs, eh bien, c'est que les gens, ils se font des groupes et ils se choisissent les chefs et ils se croient comme étant les chefs des musulmans. Et ils se déclarent eux-mêmes être les dirigeants. Alors, ils commencent à décider qui est un apostat, qui n'est pas un apostat. Et donc, en même temps, peut-être d'autres groupes font la même chose. Et là, ils commencent à se tuer les uns les autres en croyant qu'ils appliquent la loi islamique. En croyant qu'ils tuent les apostats. Et alors que ça, c'est plutôt du chaos, du désordre. Et ça crée dans la société toutes sortes de problèmes. Ça fait couler le sang des innocents, ça fait du désordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas al-fasad, Wallahu la yuhibbu al-fasad. Donc, de faire ça, ces choses-là, c'est seulement c'est restreint pour les savants et les juges qui sont dans le pays musulman ou le dirigeant des musulmans. Et puis, il faut toutefois, il est important pour chaque musulman ou pour les musulmans de connaître ce qui pourrait les faire sortir de l'islam pour qu'ils évitent de tomber dedans. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'applique pas le jugement qu'on ne doit pas le connaître. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, même si aujourd'hui, par exemple, on est dans des pays musulmans qui n'appliquent pas la charia ou dans des pays non musulmans, alors. C'est sûr qu'on ne peut pas l'appliquer, sauf qu'on doit le connaître quand même pour s'en protéger, pour éviter de tomber dans ce problème-là. Mais revenons à ce que tu as dit, parce qu'il y a certains qui disent que lui n'adore pas une idole, donc lui ne sait pas le chien. Ouais. Donc comment quelqu'un qui, par exemple, quelles sont les conditions que quelqu'un rentre dans le chien En fait, ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un mouchrik, qu'il reconnaisse que ce qu'il fait est un acte de shirk, comprends? Parce que les idolâtres, même comme j'ai donné l'exemple des chrétiens, mais les chrétiens ils vont jamais admettre qu'ils sont des idolâtres, hein? C'est comme par exemple les gens qui font des bédards, qui font des innovations. Étant donné qu'ils font des innovations, c'est-à-dire le fait que qu'est-ce qu'ils font c'est une innovation, c'est qu'ils croient que c'est accepté de le faire et que c'est permis de le faire. S'ils ne croyaient pas que c'était permis de le faire, ce ne serait pas considéré comme une innovation. Tu comprends? Donc, par exemple, tu vas essayer de faire comprendre à une personne qui fait une innovation, ou par exemple qui célèbre la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors eux, ils croient que ce qu'ils font, c'est bien dans l'islam et que Dieu l'aime et qu'en faisant ça, il se rapproche d'Allah. Donc, c'est difficile de faire comprendre à ces gens-là qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent cesser de le faire. Et puis, c'est pour ça, en fait, que même les savants de l'islam ont dit que la personne qui fait des innovations est pire que celui qui fait des péchés. Parce que celui qui fait des péchés, comme par exemple, il sait que c'est un péché. Et donc, ça peut pousser à se repentir. Tandis que la personne qui fait une innovation, elle ne pensera pas à se repentir parce qu'elle croit que ce qu'elle fait est bon et est aimé d'Allah. Donc, c'est ça le danger de l'innovation. Ça pousse quelqu'un à progresser et à dépasser la limite. Et puis le shirk, c'est la même chose en fait. La bid'a, parmi les bid'a, il y a la bid'a du shirk. Et c'est une innovation dans la religion d'Allah. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais ordonné le shirk. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté après par des gens. C'est pas c'est pas quelque chose qui est venu de la part des prophètes d'Allah. Hein? Donc la pire des innovations que quelqu'un peut faire, c'est de le chef de l'air. Vous avez dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui a de l'amour, par exemple, excessif. C'est quelqu'un qui, que son amour le pousse à désobéir à Allah. Son amour de sa passion le pousse à désobéir à Allah. Ou le pousse à faire, à délaisser ce que Allah lui a ordonné. Par exemple, on va dire, je te donne un exemple. Pour expliquer que quelqu'un commence sa passion pourrait le faire pousser. Bon, l'argent, ça peut être une passion qui te pousse à désobéir à Allah. Donc, tu dis, je veux de l'argent et je suis prêt à tout pour l'acquérir. Même faire le riba, même voler, même tuer, c'est à ce point-là que l'argent devient ton Dieu. Ton Dieu, c'est tout Allah. Tu ne peux pas dire que c'est juste un amour ordinaire de l'argent. Parce que tout le monde aime l'argent. C'est pas, il n'y a pas de problème d'aimer l'argent. Parce que c'est un bien. Et on en a tous de besoin. Et ça nous permet d'acquérir des choses qu'on a besoin. Ça, c'est bien. Mais quand cet amour pour l'argent te pousse à faire tout ce que Dieu t'a interdit, que tu ne reconnais plus aucune interdiction ou obligation vis-à-vis de l'argent quand tu as commencé à la chercher, alors dans ce cas-là, ça devient comme ton Dieu. Et on va en expliquer un peu plus tantôt, parce que justement, on va parler de l'amour comme étant une des formes de, si elle est offerte à autrui, Allah rentre dans le shirk, mais il y a des catégories. Et chaque catégorie, il a son verset différent. Donc, je vais juste continuer avec ce que le chef a dit au sujet de la crainte. Et puis donc, on va bien comprendre après pour l'amour et puis d'Allah, qu'est-ce que ça signifie. Donc, le chef, il dit après, il expliquait un hadith. Le hadith à propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc j'ai commencé à dire, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le hadith dont on avait parlé la semaine passée, qui dit que celui qui cherche à satisfaire Allah ou à avoir l'agrément d'Allah par ce qui choque les gens, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer et il va faire les gens l'aimer. C'est-à-dire, par exemple, tu fais quelque chose que Allah aime, mais les gens te détestent à cause de cette chose. Alors dans ce cas-là, Allah va t'aimer, il va faire que les gens t'aiment. Parce que tu as fait quelque chose pour lui, malgré que les gens détestent cette chose. Et le contraire aussi. Celui qui fait quelque chose que Allah déteste pour faire plaisir aux gens, alors Allah va le détester et les autres aussi. En colère contre lui. Allah va faire que les gens soient en colère contre lui aussi. Donc le chef dit dans ce hadith, ou même هذا الحديث بروايته يتبين أن الإنسان إذا كان يطلب بعمله إرضاء الله بما يسخط الناس حصل على مصلحتين عظيمتين رضا الله ورضا الناس. Donc le chef dit pour ce hadith, il est clair que celui qui cherche l'agrément d'Allah dans ce qui choque les gens, eh bien, il a deux grands bénéfices, ou deux grands profits de ça. C'est qu'il va acquérir la satisfaction d'Allah et la satisfaction des gens. Et puis, le contraire, celui qui recherche la satisfaction des gens dans ce qui choque Allah, dans ce qui met Allah en colère, alors il va arriver à deux choses négatives. C'est qu'il va avoir la colère d'Allah et la colère des gens. Donc le chef dit après, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ إِرْضَاءُ اللَّهُ فَعَلَىٰ يَجْمَعُ الْخَيْرِ كُلَّهُ وَأَنَّ إِرْضَاءُ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالسَّلَامَ. Donc celui qui fait ce qui plaît à Allah, et bien, il a rassemblé tout ce qui est bon, et celui qui fait ce qui plaît aux gens, donc ce qui déplaît à Allah, et bien, il a rassemblé tout ce qui est mal. Et puis, bien sûr, comme le chef de l'Intérieur l'avait mentionné, c'est, bien entendu, c'est pas tout le monde qui va être satisfait de la personne quand il fait ce que Allah ceux qui satisfait à Allah, parce que aussi il y a le fait que ça se limite souvent aux intérêts des gens. Par exemple, si quelqu'un n'est pas musulman, il ne va pas être satisfait quand tu vas faire ce que Allah aime. D'accord? Mais pourquoi? Parce que ça va contraire à ses intérêts. Donc ça c'est un petit point important à mentionner. Et après le chef il dit ويجب أن نعلم أن الخوف من الله سبحانه يجب أن يكون مقرونا بالرجاء والمحبة بحيث لا يكون خوفا باعثا عن القنوط من رحمة الله عز وجل فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء بحيث لا يذهب مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ينافيان التوحيد. Donc le chef il dit, il est obligatoire aussi pour de savoir que la crainte d'Allah doit être accompagnée de l'espoir et de l'amour d'Allah, comme on en a déjà parlé dans les cours précédents. Si tu veux t'asseoir avec nous, il n'y a pas de problème. Voyons, Donc, comme on a dit, le chef il dit de telle façon que il ne faut pas que la crainte d'Allah nous pousse au désespoir. À la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, tu ne dois pas craindre, ta crainte d'Allah ne doit pas te pousser à désespérer de sa miséricorde. Et le croyant, après il dit, il ne faut pas non plus que ton espoir te pousse à te sentir en sécurité du châtiment d'Allah. De croire que parce que tu as une confiance en Allah ou tu as comme l'espoir de la miséricorde d'Allah au point où tu te dis je suis en sécurité de faire des péchés et d'être puni d'Allah parce que j'ai espoir de la miséricorde. Mais tu dois être en équilibre entre les deux. Exactement. Et donc le chef il a mentionné l'exemple. Parce que pourquoi? Il dit parce que de perdre l'espoir dans la miséricorde d'Allah et de se sentir en sécurité contre le châtiment d'Allah, et bien les deux sont en contradiction avec le tawhid. Et Allah il a donné des exemples dans le Coran, par exemple, il dit أَفَا أَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ. Donc il dit est-ce qu'ils se sentent en sécurité contre le châtiment d'Allah et personne d'autre que les perdants, les perdants se sont sentis en sécurité contre les châtiments d'Allah. Et après, le chef dit, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah dit, wa qala ta'ala, innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Donc, c'est quoi ce verset-là dans Sourate Yusuf? Allah subhanahu wa ta'ala dit personne ne perd l'espoir en la miséricorde d'Allah excepté les mécréants. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas perdre jamais l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et il mentionne le troisième verset, et il y en a d'autres aussi, mais il s'est limité à ces versets-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Qui donc perd l'espoir dans la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Donc ceux qui perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, ce sont les égarés. Et le chef il dit وَقَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعٍ مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ إقامة العبد على الذنب ويتمنى على الله المغفرة. إسماعيل بن رافع عندي علماء بخلف إلى ذلك عندي كاتيجوري وعندي شوز qui représente le fait que quelqu'un se sent en sécurité contre le châtiment d'Allah, c'est le fait que la personne persiste à faire un péché tout en espérant son pardon. Quelqu'un, par exemple, il persiste à continuellement faire un péché tout en espérant que Dieu va le pardonner. Ça, c'est une des exemples de quelqu'un qui s'est senti en sécurité contre le châtiment d'Allah. Il se croit en sûreté. Il pense que Allah peut pas le punir parce qu'il a l'espoir en la miséricorde d'Allah. Et après, le chef il dit, « وقال العلماء القنوط استبعاد الفرج واليأس منه وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم. » Donc, le chef il dit, et les ulama ont expliqué que القنوط, le mot en arabe, القنوط, ça veut dire c'est-à-dire que tu n'espères plus en, tu perds l'espoir en la consolation ou en le pardon dans le monde, et tu désespères. Voilà, c'est ça, c'est le al-qanut en arabe, c'est ça, c'est le désespoir. Et qu'est-ce qui s'oppose, c'est quoi le contraire de al-qanut en arabe, c'est al-amn min makrillah, c'est-à-dire de se sentir en paix ou en sécurité contre du châtiment d'Allah. Et les deux sont des grands péchés. Ces deux choses-là sont des grands péchés. Et après, le cheikh il dit, فَلَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْخَوْفِ فَقَطْ حَتَّى يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَى الرَّجَاءِ فَقَطْ حَتَّى يَأْمَنُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بَلْ يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Donc, le chef il dit, comme on a déjà expliqué, il résume cette parole encore, que le croyant, il ne doit pas se baser juste sur la crainte, jusqu'à ce qu'il perde l'espoir de la miséricorde d'Allah, et il ne doit pas non plus se baser juste sur son espoir au point où il se sent en sécurité du châtiment d'Allah, mais il doit être craintif et avoir l'espoir, les deux ensemble. Il craint ses péchés et il agit selon l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa miséricorde. Hein? C'est pas que l'espoir de la miséricorde doit être accompagné de l'obéissance. Et la crainte vient lorsqu'on fait des péchés. Donc ces deux-là viennent ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est au sujet de ses prophètes, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Les messagers, ils faisaient la course. Ils faisaient la course les uns avec les uns, ils faisaient la course les uns les autres dans le bien. C'est-à-dire, ils faisaient comme une sorte de compétition dans le bien, pour voir qui allait être le premier dans le bien. Ils s'arrêtaient là, c'est le khayrat. Et après, il les a décrits comme en disant, وَيَدْعُونَنَا رَهَبًا وَرَهَبًا وَكَنُوا لَنَا خَشِعِينَ. Et ils nous invoquaient avec crainte et avec espérance, et il était envers nous humble, il était humble envers Allah, et il s'humiliait devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, « أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce que les idolâtres adorent, eux-mêmes cherchent le moyen pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, le moyen pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, les chrétiens, ils invoquent Isa ibn Maryam, ils invoquent ou ils adorent Isa ibn Maryam, alors que lui-même, Isa ibn Maryam, il demande à Allah, et il cherche un moyen pour plaire à Allah. Hein? Et il le décrit, il le vérifie comme étant pour savoir qui est, qui va être le plus près. C'est-à-dire, il cherche le moyen qui va les rapprocher le plus vers Allah, et ils espèrent en sa miséricorde, et ils craignent son châtiment, car le châtiment d'Allah est à craindre. Et donc, c'est juste pour expliquer que, ils étaient ces serviteurs d'Allah que les gens ont pris pour divinité envers Allah, et bien eux-mêmes, ils craignent Allah. Ils l'adorent par la crainte et par l'espoir. Ils craignent son châtiment et ils espèrent en sa miséricorde. Donc, si les messagers et les prophètes sont dans cette situation-là, et bien c'est tous les croyants aussi qui doivent l'être. Ils doivent essayer de l'être entre l'espoir et la miséricorde. Après, le cheikh dit « والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفع العبد إلى العمل وفعل الأسباب النافعة فإنه مع الرجاء يعمل الطاعات ورجاء رجاء ثوابها ومع الخوف يترك المعاصي خوف عقابها أما إذا يئس من رحمة الله فإنه يتوقف على العمل الصالح يتوقف عن العمل الصالح فإذا أمن من عذاب الله وعقوبته فإنه يندفع إلى فعل المعاصي. Donc le cheikh il explique ça très bien ici, il dit la crainte et l'espoir, lorsqu'ils sont ensemble, ils poussent le serviteur à faire le bien et à faire les choses qui seront des causes bénéfiques, des choses bénéfiques. Par exemple, lorsque la personne a l'espoir en Allah, à la miséricorde d'Allah, il va faire les actes d'obéissance et les actes d'adoration tout en espérant avoir leur récompense. Il a l'espoir en la récompense de ces actions-là. Et lorsqu'il a la crainte, cela le pousse à laisser tomber les péchés parce qu'il craint leur punition. Il craint la punition de ces péchés-là. أما إذا يأس من رحمة الله donc il dit mais si le serviteur perd l'espoir à la miséricorde d'Allah, alors il cesse de faire les actions du bien, il cesse de faire les bonnes actions. Et si il s'est senti en sécurité contre le châtiment d'Allah et contre sa punition, alors là aussi, il sera poussé à faire les péchés parce qu'il croit qu'il est protégé de la punition d'Allah. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حرمي ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو موجه ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن كما وصف الله بذلك خيرة الخلق حيث يقول سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc, comme on a fait déjà dans les plus tôt dans le cours, certains des ulama ont dit celui qui adore Allah uniquement par l'amour, eh bien, c'est un soufi. Celui qui adore uniquement Allah par la crainte, eh bien, c'est un harouri, yani un khariji, quelqu'un qui est extrémiste dans la religion musulmane. On a décrit un peu qu'est-ce que c'est les khawarij et tout ça. Et après, celui qui adore Allah seulement par l'espoir, eh bien, il est un murji. Et ça, c'est une autre secte qui est l'opposé des khawarij. C'est eux qui croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent tant qu'ils disent la ilaha illallah, rien ne peut les affecter. Et ça, c'est l'autre extrême des khawarij. Ils disent que si tu fais un péché, par exemple, un grave péché, alors automatiquement tu es en dehors de la religion. C'est deux extrêmes. Alors, le chef il dit, mais celui qui adore Allah par l'amour, la crainte et l'espoir, alors c'est le vrai croyant. Et Allah a décrit ses messagers, les meilleurs de ses créatures dans le Coran, en les décrivant comme étant ceux qui espèrent en la miséricorde d'Allah et qui craignent son châtiment. Donc, c'est juste pour dire qu'on doit suivre l'exemple des prophètes et pas suivre l'exemple des gens de sectes déviés comme le Soufia, le Khawarij ou Al-Murji'a ou d'autres sectes. Après, le Cheikh dit « وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ الَّذِينَ أَهْمَلُوا جانب الخوف والدفعوا في المعاصي وأمنوا من العقوبة لأنهم الخاسرون. فقال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc, le chef il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les gens qui ont négligé la crainte d'Allah et qui sont allés vers le péché et qui se sont sentis en sécurité contre le châtiment. Il les a décrits comme étant des perdants. Et il dit dans le Coran, est-ce que les gens de la cité sont sentis en sécurité que notre dur châtiment les frappe alors qu'ils dorment et qu'ils sont endormis? Est-ce que les gens de la cité se sont sentis en sécurité que notre châtiment les frappe en plein jour alors qu'ils sont en train de s'amuser? Est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité contre le châtiment d'Allah? Et personne ne se sent en sécurité contre le châtiment d'Allah, excepté les peuples perdants. Hein? Donc, il a dit de cette façon. Et après, le chef, il explique la signification de ce verset. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avant de l'expliquer, j'aimerais juste mentionner un point au sujet des châtiments d'Allah. Parfois, Allah, il a différentes façons de punir les gens. Certaines personnes s'imaginent que si un châtiment vient à quelqu'un, ça doit être seulement un châtiment ou une punition dans quelque chose qui est douloureux ou quelque chose qui amène une perte ou une maladie ou quelque chose d'autre de ce genre. Et ils ne s'imaginent pas que la punition d'Allah peut être aussi dans le bien. Hein? Et ça, c'est une chose qui fait que beaucoup de gens se sont trompés dans le sens qu'ils croient qu'ils peuvent être sous la miséricorde de Dieu en continuant de faire ce que Dieu déteste. Par exemple, les koufars, ils s'imaginent que Dieu les aime parce que Dieu continue de leur donner des bénédictions et des biens dans cette vie, alors qu'ils sont sur la mécréance. Par exemple, ils croient que ça c'est un signe que Dieu les aime. Hein? Et puis il y en a d'autres aussi, par exemple, qui peuvent croire que les forces naturelles qui agissent dans l'univers, par exemple les tremblements de terre, les ouragans, des choses comme ça, eh bien, à cause de leur rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de nier que ces choses-là sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils s'imaginent que toutes ces choses-là sont des forces aveugles, naturelles, qui ne sont pas ni pour le bien ni pour le mal, qu'elles sont des choses neutres. Et ça, c'est tout à fait faux parce que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de ces choses-là, qui contrôle le ciel et la terre et les étoiles. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle les volcans, qui contrôle les tremblements de terre, qui décide où est-ce que ça frappe et à quel moment que ça frappe et pour quelle raison. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le sage et le tout-puissant. Donc, c'est pas une force aveugle ou dame nature, ou bien une chose comme ça, comme les kuffars et les athées, qui essaient de donner à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala une certaine volonté, ou bien une sorte de force aveugle qui n'est pas un signe de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu étais avant de partir en appart, par exemple, avec ta blonde, donc je suis parti dans une auberge comme un hôtel pour en fait me chercher un appartement avant de venir m'installer ici. Il y a très quelqu'un que je vois, il dit, c'est Anna et Dieu est tellement miséricordieux que je sais que le paradis existe. Je sais que Dieu existe, mais pour moi, pour que Dieu il punisse les gens éternellement, pour moi Dieu est tellement bon qu'il ne va pas faire ça. Pour moi je pense que c'est impossible que Dieu punisse les gens toute l'éternité. Il dit que c'est réel, que ça ne ressemble pas à Dieu de faire ça. En fait, j'ai déjà discuté souvent avec le Seigneur Jéhovah là-dessus. Et même qu'il y a dans la Bible des versets dans le Nouveau Testament qui, même dans l'Ancien Testament, qui montre que l'enfer existe et qu'il est éternel. Les témoins de Jéhovah nient complètement qu'il y a un enfer. Pour eux, lorsque quelqu'un meurt, il sera seulement non existant. C'est-à-dire qu'il existe lui. Tu vois? Pour eux, il n'y a pas de paradis. Pour eux, il y a un paradis, mais il n'y a pas un enfer. Et leur paradis pour les bons, et leur paradis, pour eux, c'est sur la terre. Et ceux qui vont être dans le ciel, c'est les 144 000 élus que Dieu aura choisi qui vont régner la terre avec Jésus dans son gouvernement dans le ciel. Tout ça, c'est des croyances qui en est égarées. Et l'exemple que dans le Nouveau Testament, on retrouve dans certains évangiles, que Jésus aurait dit à propos des non-croyants, c'est écrit, ils seront dans le feu éternel, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Ils seront dans le feu éternel, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Ça veut dire, s'il y a un feu éternel, ça veut dire que c'est l'enfer est éternel. Exactement. Donc eux, ils ont dit de nier ça. Et ils disent que non. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie seulement que ils vont être punis. La punition, c'est qu'ils ne vont plus exister. Parce que quand tu brûles, une fois, tu brûles et après, une fois que tu es brûlé, c'est fini. Tu n'existes plus. Mais et donc, ça, c'est dans le feu éternel, non? Le feu éternel. Pourquoi il y aurait un feu éternel si les gens ne brûleraient pas éternellement dedans? C'est des manipulateurs, c'est vrai. C'est vraiment absurde. Et donc, bon, en ce qui concerne le fait qu'ils disent, par exemple, qu'ils ne croient pas à l'enfer, c'est par exemple, je leur ai donné des exemples. Par exemple, est-ce que vous croyez que dans le paradis, il y a des choses qui existent et qui n'existent pas dans ce monde? Par exemple, dans le Coran, Dieu décrit le paradis et il dit qu'il y aura des ruisseaux de lait, des ruisseaux de miel, des ruisseaux de vin, et des ruisseaux de eau pure. Et ça, ces ruisseaux-là vont couler sans avoir de rive. C'est-à-dire que c'est des ruisseaux qui coulent comme ça dans l'air. Et puis on ne peut même pas... on peut le voir. c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer dans ce monde. Mais c'est des choses qu'on existe. Quand je demandais ça à la personne, c'est le Dieu va, ils m'ont dit oui, ça c'est vrai, ça existe. Je dis d'accord, si Dieu est capable de faire ces choses-là pour le paradis, alors pourquoi il ne serait pas capable de le faire pour l'enfer, de faire un feu qui brûle éternellement? Et comme Dieu dit dans le Coran à propos des gens qui font le péché, lorsqu'ils vont dans l'enfer, lorsque leur peau est calcinée, Dieu leur redonne une peau fraîche, une nouvelle peau fraîche pour qu'ils goûtent au châtiment. Alors, que Allah nous protège de ce châtiment, c'est juste pour nous faire comprendre que c'est pas quelque chose qui est imposé par Allah. En ce qui concerne est-ce que le péché sera éternel ou non, eh bien on sait que pour les gens qui ont cru au tawhid et qui ont fait des péchés, qu'ils ne resteront pas éternellement dans l'enfer. Ceux qui vont rester éternellement dans l'enfer, c'est ceux qui ont rejeté complètement la foi ou qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et dans l'enfer, exactement comme le prédit, il y a des niveaux dans l'enfer. C'est pas tous les gens qui sont au même degré de châtiment. Les plus bas sont les diables et les hypocrites. Donc c'est eux qui seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Mais yani, c'est pas tout le monde qui doit rester éternellement dans l'enfer. Seulement comme on a dit, ceux qui ont fait la mécréance ou le shirk, yani. Ceux-là vont rester éternellement. Mais ceux qui ont cru en l'unicité d'Allah, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son intercession au jugement dernier, il va faire sortir de l'enfer ceux qui avaient la quantité d'une atome de foi. Allah va dire, faites sortir de l'enfer tous ceux qui avaient une atome de foi, faites-les sortir de l'enfer. Atome de foi, c'est-à-dire parce que Satan, il croit en Allah. Il a plus qu'un atome de foi. Non, mais c'est ça. C'est pas une foi au sens islamique. Par exemple, le fait de savoir que Allah existe, c'est pas ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est que tu sais que Dieu existe et que tu crois en lui, que tu te soumets à ses ordres. Et c'est pour ça que beaucoup des êtres humains, des gens qui étaient musulmans, eh bien, ils sont pires que les blessés, yani. Ils sont pires que les chétans parfois. La foi, c'est dans le cœur. Ils disent que la foi, c'est dans le cœur. Et puis, ils n'appliquent rien de la foi. C'est-à-dire, ils ne se soumettent pas. La foi, ce sont les paroles, les actions et les croyances. Ah, d'accord. C'est pas seulement de dire je crois en Dieu dans mon cœur et je fais rien. Non, parce que ça fait déjà des années que. C'est radical, je n'avais pas compris. Je me suis dit, un atome de foi n'est pas satan, il a dit qu'il y a un atome de foi. Pourquoi? Mais tu m'as dit. Oui, alors, par exemple, il y en a qui. Il a l'orgueil. Par exemple, Allah lui a dit de se prosterner à Adam et il a refusé à cause d'une seule prosternation. Il a refusé de se soumettre à un seul des ordres d'Allah. Par orgueil, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a banni, l'a maudit et l'a riche à l'enfer pour l'éternité. Donc c'est pour voir que quiconque fait un péché par arrogance ou par orgueil, qui a fait désobéir Allah par orgueil, il est non musulman, il est en dehors de l'islam. Donc je comprends, c'est la croyance, pas seulement la croyance en l'existence de Dieu, parce que Satan croit que Dieu existe. Exactement. C'est comme ça l'exemple des hypocrites. Ils croient que Dieu existe. Ils disent la ilaha illallah, ils disent Mohammed Rasulallah. Mais ils ne croient pas vraiment. Par exemple, ça c'est Iblis, et il y a l'exemple de Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à propos de Fir'aun: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils l'ont rejeté par injustice et par fierté, et par orgueil. Alors, ils avaient une femme, ils se voyaient haut, et même, ils se voyaient grand. Donc, comme on expliquait le verset à propos de se sentir en sécurité contre les péchés, contre l'échappement d'Allah, yani, on explique qu'on doit être entre la crainte et le foi. Et le chef il a mentionné le verset dans lequel Allah dit: est-ce que les gens vont se sentir en sécurité? Est-ce que les gens des cités se sentent en sécurité que notre Dieu chassement les touche alors qu'ils sont endormis? Ou est-ce que les gens des cités se sentent en sécurité que notre Dieu chassement les touche en plein jour alors qu'ils jouent et qu'ils s'amusent? Et est-ce qu'ils se sentent en sécurité contre le châtiment d'Allah? Personne, autre que les perdants, les gens perdus, se sentent en sécurité du châtiment d'Allah. Et le chef, il explique que la signification de ce verset-là, il dit: wa ma'na al-ayat anna Allah lamma dhakara halu ahli al-qura al-mukadhibina lir-rusul المتمادين في الكفر والمعاصي ذكر أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه ومكر الله هو أنه إذا أعطاه العبد وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن العبد أنها من رضا الله عنه وهي استدراج له. فهؤلاء الكفر أمنوا مكر الله بهم لما استدرجهم بالسراء والنعم وعصوا رسلهم وتمادوا في المعاصي حتى أهلكهم الله وحذر من جاء بعدهم أن يفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. فقال سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.